De l'excuser, ça nous empêchera pas du coup d'avoir un peu de temps pour les questions, ce qui est pas plus désagréable. Donc voilà. Donc on va maintenant entendre l'intervention de Mélanie Monfort, qui est doctorante à Nanterre au GAP, et qui va nous parler donc de Sartre, écrivain d'art. Donc 35 minutes d'intervention, un quart d'heure voire plus de questions. Merci. Donc déjà, je voudrais remercier Marion et Claire de m'avoir invitée. Et puis, je vais commencer cette intervention par une anecdote. Au cours de ses entretiens avec Sartre, John Guerassi, fils de Fernando Guerassi, peintre espagnol ami de Sartre, raconte à Sartre une anecdote que je vais vous raconter. Quand mes parents sont venus s'installer dans le Vermont, je leur ai rendu visite et Fernando m'a demandé si je pouvais l'aider à enlever de son cadre une grande toile qui ne rentrait pas dans la voiture pour qu'on puisse l'enrouler et la porter à New York pour Shapiro. On a fait ça et une fois chez moi, je l'ai déroulée et attachée au châssis. Mais j'avais mal calculé et je me suis arrêtée quand j'ai vu que ça allait dépasser de 5 cm. « Oh, ne t'inquiète pas, fourre ça sur un côté », a dit Fernando. Quand Shapiro est arrivé avec un étudiant, il a observé la toile un petit moment. Puis il s'est tourné vers son étudiant et lui a dit « Vous voyez pourquoi Fernando est un grand peintre ?» Comme l'étudiant restait silencieux, Shapiro a dit « Vous voyez les 5 cm qui viennent d'être éliminés ?» Cela déséquilibrait le tableau. Le génie de Guerassi a été de s'en rendre compte et de s'en débarrasser. À présent, l'équilibre est parfait. Sartre s'esclaffe et répond « Ces critiques d'art, je les adore. » Réaction sarcastique de Sartre à l'erreur naïve d'une des figures majeures de l'histoire de l'art, Meyer Shapiro. Analysant une œuvre de Fernando Guerassi, peintre aujourd'hui oublié et qui n'a jamais rencontré le succès de son vivant. Mais sous la moquerie pointe une posture. Sartre ne s'inclut pas dans le groupe des critiques d'art, il n'en est pas un. Pourtant, il a écrit sur beaucoup de peintres. De Giacometti, Calder, Le Tintoret, La Poujade, Masson, Vols, Rebérol, Hélène de Beauvoir et David Herr, il s'est fait de porte-parole. Ses nombreuses préfaces au catalogue d'expositions de ses amis artistes, comme ses essais biographiques sur la taupe de Venise, le Tintoret, sont autant de mises en mots d'un art qui ne parle pas, ou si peu, par un écrivain qui n'a rien de porté à la peinture, surtout pas le regard. Ses écrits sur l'art sont donc une contrée inattendue du continent Sartre, qui reste encore peu explorée par la critique, littéraire cette fois. Seuls George H. Bauer et Ina Whitman y ont consacré un ouvrage. Pour le reste, la tendance est à l'éparpillement, comme par mimétisme avec un corpus fragmenté, dispersé, presque disloqué. Inédits, posthumes ou publiés dans les situations, ces textes n'ont jamais fait l'objet d'une publication commune. Il faut toutefois rétablir l'importance que ces textes avaient pour Sartre. En effet, il avait le projet d'une esthétique, qu'il n'a jamais réalisée. Et il avait la publication de la majorité de ses papiers dans les situations, partie de son œuvre qui souhaitait voir reprise par la nouvelle génération, qui est Hélène Jessicar. Ça, j'aimerais bien que ça reste qu'on lise, montre qu'il y voyait bien là plus que des écrits de circonstances. Alors pourquoi ne pas s'être posé en critique d'art? Et pourquoi, par exemple, ne pas avoir publié une somme comme André Breton l'a fait avant lui avec le surréalisme et la peinture? À travers l'itinéraire de Sartre en peinture, je vous propose de s'interroger sur la place de ces textes, écrits au carrefour de la philosophie, des arts plastiques et de la littérature, dans l'œuvre sartrienne d'une part, et sur leur place dans la critique d'art comme genre littéraire d'autre part. Est-elle périphérique, comme le manque de production critique le suggère, ou est-elle sous-estimée? Alors, pour ne pas déflorer l'itinéraire, je ne vous annonce pas de plan. Voilà. Si Poulou baigne immédiatement dans une atmosphère musicale, pour la peinture, c'est une autre histoire. Il faut attendre ses 16 ans pour qu'il découvre, hors de la bibliothèque de son grand-père, où un Rubens, un Van Dyck, un Dürer et un Rembrandt trônent parmi les grands classiques de France et d'Allemagne. En effet, c'est de retour à Paris après son séjour Rochelet qu'il passe ses dimanches avec Karl et Mamie, comme il les appelle dans les mots, rue Saint-Jacques. J'ai pris connaissance de certains tableaux la première fois que je suis entrée au Louvre. J'avais 16 ans, j'étais à Paris. Mon grand-père m'a emmenée au Louvre, m'a montré des tableaux en les commentant, avec des discours un peu interminables et un peu ennuyeux. Enfin, ça m'avait intéressée. J'y suis retournée seule, en première, en philo. C'est donc là que tout commence, au musée, en compagnie de Karl. En fait, tout se passe exactement comme pour la littérature, seulement avec 10 ans de retard. Et comme on sait chez Sartre, les retards donnent souvent de l'avance. En effet, il a 16 ans, il a connu La Rochelle et ses violences, son grand-père a perdu son autorité d'antan, il y a eu rupture. Bref, au moment même où Sartre découvre la littérature moderne grâce à Nisan, La peinture et son milieu de conservation qu'est le musée vont cristalliser toute sa haine anti-bourgeoise. Dès La Nausée, son premier roman publié en 1938, il consacre un long passage à la visite de Roquentin au musée de Bouville. Le tour au musée devient alors un passage obligatoire. Mathieu Ivitch à l'exposition de Gauguin dans L'Âge de Raison, et Gomez et Ricci à la rétrospective de Mondrian dans La Mort dans l'âme. De ces tours au musée, Sartre va faire des rites initiatiques, des découvertes de la saloperie du monde environnant. Au musée de Bouville règne une atmosphère de nécropole. Sur les murs sont exposés les portraits de ces hommes qui ont fait Bouville, de ces bienfaiteurs. Je cite, « On les avait peints très exactement. Et pourtant, sous le pinceau, leur visage avait été dépouillé de la mystérieuse faiblesse des visages d'hommes. Leurs traces, même les plus veules, étaient nettes comme des faïences. J'y cherchais en vain quelques parentés avec les arbres et les bêtes, avec les pensées de la terre ou de l'eau. Je pensais bien qu'ils n'avaient pas eu cette nécessité de leur vivant. Mais au moment de passer à la postérité, ils s'étaient confiés à un peintre en renom pour qu'il opéra discrètement sur leur visage ces dragages, ces forages, ces irrigations par lesquelles, tout autour de Bouville, ils avaient transformé la mer et les champs. » Donc les peintres Bordurin et Renaudas sont les complices de leurs modèles. Le général Aubry, le président Hébert ou le négociant Pacôme leur ont confié leurs portraits, non pas pour qu'ils les peignent tels qu'ils étaient, mais tels qu'ils voulaient être vus. Grâce à la peinture, ils assurent donc leurs arrières et déjouent la mort, cette totale dépossession de l'être qui nous laisse en proie au vivant, comme l'explique Sartre dans L'être et le néant. Être, c'est... Ou être mort, c'est être condamné à ne plus exister que par l'autre et à tenir de lui son sens et le sens même de sa victoire. Sartre ne dit pas autre chose dans Portrait officiel, un texte inédit publié dans les écrits de Sartre. Les peintres sont au service des puissants pour peindre leur image avec force, calme, sévérité, sérénité et justice, et lui ôter toute contingence. Le portrait peut alors rassurer, persuader, intimider. Il est toujours là pour réaliser l'union du prince et de ses sujets. C'est ce que montre le couple qui visite le musée en dimanche, respectueux et ému, et qui s'indigne du comportement de Roquentin. Roquentin qui éclate de rire, défiant le regard peint de Rémy Parrotin. Rémy Parrotin me souriait affablement. Il hésitait, il cherchait à comprendre ma position, pour la tourner doucement et me ramener à la bergerie. Mais je n'avais pas peur de lui, je n'étais pas une brebis. Je regardais son beau front calme et sans rides, son petit ventre, sa main posée à plat sur son genou. Je lui rendis son sourire et le quittai. Roquentin a compris le truc. Il se révolte, il quitte le musée, mais se retourne une dernière fois pour lancer aux bourgeois. Adieu, Bolis, tout en finesse, dans vos petits sanctuaires peints. Adieu, Bolis, notre orgueil et notre raison d'être. Adieu, salaud. Une insulte qui souligne l'expérience philosophique qui a également été cette visite au musée. Si Roquentin y a découvert l'aide pour autrui, cette limite de ma liberté qui m'est révélée par le regard d'autrui, cette découverte ne va pas sans son double négatif, le ne pas être pour autrui, qui s'exprime dans cette apostrophe finale et qui est cette résurrection perpétuelle, cette échappée de la conscience à cet autrui qui risque de s'engluer. C'est donc bien une résurrection que nous assistons dans ce passage. Roquentin sort littéralement de la pénombre du sanctuaire pour retourner à la vie. Et comme le musée de Bouville, le Louvre que visite Mathieu Ivitch dans L'Âge de Raison est en dehors du temps et dédié à une puissance supérieure qui cette fois n'est plus celle des puissants mais celle de la nation. On voyait d'abord, au-dessus de la porte, l'écusson RF et les drapeaux tricolores. Ça donnait tout de suite le ton. Et puis on pénétrait dans les grands salons déserts, on plongeait dans une lumière académique qui tombait d'une verrière dépolie. Ça vous entrait, doré dans les yeux, et ça se mettait aussitôt à fondre, ça devenait gris. Mur clair, tenture de velours beige, Mathieu pensa, l'esprit français. Après cela, naturellement, il y avait bien des taches sur les murs, les tableaux, mais Mathieu n'avait plus aucune envie de les regarder. Donc Mathieu se laisse prendre au piège. « Tranquille et respectueux, vous allez là comme à une messe », lui dit Ivitch en sortant. Heureusement, le rire d'Ivitch, comme celui de Roquentin, permet une mise à distance, un arrachement, une fuite. Un fou rire qui la prend quand elle entend un homme habitué aux expositions nationales affirmer qu'il n'aime pas Gauguin quand il pense. Le vrai Gauguin, c'est celui qui décore. Ainsi, dans L'Âge de Raison, ce ne sont plus les artistes exposés et leurs modèles qui sont critiqués. Sur les murs, Gauguin a succédé à Renaudas et Bordurin. Mais l'institution muséale, le Louvre, comme machine à nationaliser les œuvres d'art qui produit des visiteurs exemplaires. Donc tous les peintres ne sont pas des Renaudas et Bordurin, et Sartre le sait puisqu'il s'est mis à les fréquenter. En 1943, alors que les Salos sont au pouvoir, Sartre fait la connaissance des Léris. Léris a pris la défense des mouches dans les lettres françaises. C'est donc qu'est des grands Augustins que Simone de Beauvoir et Sartre deviennent les habitués d'une des plus belles collections d'art contemporain où se côtoient surréalistes et cubistes, Marx et Ernst, Picasso, Gris, Masson. Et c'est au printemps 1944 qu'une soirée fit date. Le 19 mars se joue la pièce surréaliste de Picasso mise en scène par Camus, Le désir attrapé par la queue. Dans la salle, Lacan, Bataille ou encore Georges Braque. Sur scène, le bourron, le gros pied, l'angoisse grasse et la cousine, c'est-à-dire Sartre, Léris, Doramare et Beauvoir. La représentation est un succès et c'est le coup d'envoi d'une série de fiestas. L'apprentissage de Sartre se poursuit quelques années plus tard aux États-Unis, à l'occasion de son premier voyage début 45, où il loge chez Fernando Guerassi, puis fin 45, début 46, où Dolores Vanetti lui fait découvrir la communauté française de la ville qui regorge de peintres. Il rencontre Calder, Duchamp, David Herr, Tanguy, Masson, Léger. Ainsi, la conception de Sartre sur l'art évolue au fil des nombreuses rencontres qu'il fait à Paris et à New York. À Paris, avec les surréalistes, Sartre pourrait dire, comme Queneau, qu'il acquiert une jeunesse. À New York, il rentre dans une bulle coupée du monde de la guerre. C'est absolument comme si je retrouvais la paix. Il ne se rendait pas compte que c'était la guerre. La fréquentation des peintres lui découvre donc un espace de liberté, un sas de décompression. C'est cette insouciance qui s'exprime dans ses premiers textes sur l'art, Les Mobiles de Calder, le texte sur Hélène de Beauvoir, pardon, la sœur de Simone, et Sculpture à une dimension sur David Herr. Dans ses écrits, Sartre applique ce qu'il théorise au début de Qu'est-ce que la littérature ? L'art est du côté de la poésie. Et le peintre, comme le poète, Et le peintre est comme le poète. Or, les poètes sont des hommes qui refusent d'utiliser le langage. Ils ne cherchent donc ni à discerner le vrai, ni à l'exposer. Les mots sont un piège pour attraper une réalité fuyante. Exactement comme les mobiles de Calder, ces résonateurs, ces pièges pour capter la fugacité du mouvement de cette grande nature vague. À l'image du poète, pour qui les mots sont des choses naturelles, croissant naturellement comme l'herbe et les arbres, Calder laisse ses mobiles au milieu de la nature, dans un jardin, près d'une fenêtre ouverte. Il les laisse vibrer au vent comme des harpes éoliennes. Fasciné, l'imagination de Sartre se réjouit de ces formes pures que sont les mobiles, de leurs mouvements qui ne visent qu'à plaire et à enchanter les yeux. Ce plaisir, il le ressent également face aux toiles du lapin, autre nom de Poupette, qui est Hélène de Beauvoir, elle qui aime trop chaleureusement la nature pour renoncer à s'en inspirer. Et alors qu'il comparera Giacometti aux écrits de Kafka et d'Ostoïevski, l'étoile d'Hélène de Beauvoir, elle, rappelle à Sartre le chat du roman de Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles. Donc bucolique, sa peinture est aussi inoffensive que l'imaginaire, car comme les mobiles de Calder, elle s'adresse à l'imagination. L'œuvre d'art est un irréel, affirme Sartre dans l'imaginaire. Constamment trompé par le plaisir réel et sensuel que procurent certains aspects matériels des œuvres, le spectateur en oublie que le tableau doit être conçu comme une chose matérielle, visitée de temps à autre, quand le spectateur prend l'attitude imageante, par un irréel qui est précisément l'objet peint. Donc hors du temps et de l'espace, hors du réel, hors de l'existence de l'œuvre d'art picturale, musicale ou poétique, le philosophe doit se méfier. Coupé de toute réalité, le monde des images est un monde où il n'arrive rien, car l'image néantise, et pose son objet comme inexistant ou absent. Finalement, écouter un petit air de jazz hot ou regarder un mobile de Calder, c'est céder à la contemplation esthétique qui est un rêve provoqué et le passage au réel est un authentique réveil qui s'accompagne de l'écœurement nauséeux qui caractérise la conscience réalisante. Donc les œuvres de Calder, de Beauvoir aussi, plaisent, séduisent. Et Fernando Guerassi pourrait leur adresser le même reproche qu'il avait fait à Mondrian lors d'une visite au MoMA avec Sartre, et dont Sartre se souvient pour écrire la visite de Gomez et Ricci dans La mort dans l'âme, il ne pose pas de questions gênantes. C'est ce qui plaît à Ricci d'ailleurs, américain exemplaire qui aime la peinture pour gens heureux ou qui essaie de l'être, mais qui désespère Gomez, Fernando, qui a dû choisir entre les armes et les pinceaux. Donc pour Ricci, le peintre ne doit pas inquiéter, mais faire oublier les drames et les responsabilités. Ainsi, bien que libéré de l'emprise des puissants, l'art reste comme la poésie, il est en dehors, en survol, pure contemplation, non plus conservé dans une nécropole, mais dans l'atmosphère aseptisée d'un musée clinique. Gomez n'a donc plus qu'à se retirer de la vie artistique. La pression de l'histoire est trop forte pour en faire abstraction, il faudrait ne pas avoir tiré sur des hommes. Ainsi, peinture et engagement seraient donc deux inconciliables. Pourtant, dans Sculpture à une dimension, le texte sur David Herr, en science surréaliste, s'annonce un changement. Le sculpteur souhaite en effet désormais présenter cette totalité concrète, l'homme en situation. Mais à ces questions nouvelles, Herr n'a pas répondu, et peut-être n'y répondra-t-il jamais, car coupé de la guerre, les États-Unis sont ce pays où règne conformisme et individualisme. L'art existentialisme qui intégrera cet écœurement nauséeux qui caractérise la conscience réalisante ne pourra donc advenir qu'en Europe et pas au pays où « not to green is a sin ». Le 2 septembre 1939, à 5h du matin, Sartre, 34 ans, apolitique, réfractaire à tout engagement, est mobilisé. C'est le bouleversement. Dans ses carnets, dont on a parlé tout à l'heure, il note la stupeur qui accompagne une découverte fondamentale, celle de l'erreur monumentale de toute une génération, la nôtre, qui dormit debout. On nous poussait vers les massacres à travers une féroce avant-guerre et nous pensions marcher sur les pelouses de la paix. L'histoire était en marche, ils n'ont donc rien vu. Leur illusion d'immanence vole en éclats, les circonstances nous avaient replongé dans notre temps. Malgré tout, la plupart des hommes passent leur temps à se dissimuler leur engagement, notamment ceux qui exercent le métier d'homme de lettres. D'origine bourgeoise, ces écrivains connaissent la tentation de l'irresponsabilité et trop souvent ils y cèdent, par tradition. Une tradition que Sartre refuse désormais de perpétuer. Après-guerre, une nouvelle ère, c'est celle des temps modernes. Celle de l'écrivain en situation dans son époque, ni Vestal ni Ariel, il est dans le coup, quoi qu'il fasse, marqué, compromis, jusque dans sa plus lointaine retraite. Fondé avec Simone de Beauvoir, Aaron, Jean Paulhan, Michel Léris, Maurice Merleau-Ponty et Albert Olivier, la revue Dans le coup fait une place aux Beaux-Arts. Ainsi, pour le comité de rédaction et le directeur, il y a donc, comme pour la littérature, un sang nouveau qui irrigue la peinture, après-guerre. D'ailleurs, depuis l'hiver 46-47, Sartre a fait place nette. Le mouvement d'André Breton n'a plus rien d'une avant-garde. Il a perdu provisoirement, peut-être, il concède, son actualité. Sa dernière exposition, le surréalisme en 47, n'était qu'un joli bonbon si vite sucé, un bonbon définitivement plus au goût du jour. Une fois la guerre déclarée, donc, ce qui est sans horizon, ce sont les arts qui s'adressent à l'attitude irréalisante de la conscience. Si Sartre concède que le surréalisme contribue par un certain côté à la libération de l'homme, immédiatement il précise, mais ce qu'il libère ce n'est ni le désir, ni la totalité humaine, c'est l'imagination pure. Donc le modèle intérieur que prônait Breton est complètement dépassé. Si la peinture veut avoir une place dans le cœur de l'intellectuel des lendemains de guerre, elle va devoir apprendre que tout est dehors. Ce changement, Sartre le perçoit chez Masson, qui s'est éloigné du surréalisme et de ses prédécesseurs, pardon, comme Rouault, qui, chez qui le contour servait à cerner, délimiter, arrêter les visages et à entretenir ainsi une terreur sacrée, la haine du changement, de la pluralité, un amour profond de l'ordre qui, par-delà les déchirements du temps et de l'espace, vise à restituer aux objets leur calme pérennité. Chez Masson, le contour devient libérateur. La transformation qu'il opère sur le contour rappelle ce que la guerre a révélé aux hommes. L'espoir de revenir en arrière n'était qu'un mythe. Masson nous en débarrasse. Itinéraire de mon regard, le contour est une ligne à suivre, un chemin qui s'impose à moi, un vecteur. Si je le suis, il m'est impossible de rebrousser chemin. La peinture se fait plus urgente, plus pressante. Masson accomplit la prouesse donc de garder le contour et de lui faire signifier le contraire de ce qu'il manifeste ordinairement. Non pas la finitude, non pas l'inertie tassée de l'être qui est ce qu'il est et rien d'autre, mais une certaine manière d'être tout ce que l'on n'est pas et de n'être jamais tout à fait ce que l'on est. Ainsi, le contour est bien le pour-soi en peinture. Si la peinture, donc, avait plus à voir avec la poésie qui ontologiquement est synonyme d'intériorité et de rétractation, bref, d'en soi, elle est clairement du côté de la prose, semblable à cette étrange toupie qui n'existe qu'en mouvement. En mouvement grâce au spectateur, dont le regard est pris en charge par le contour ou par la présence chez la Poujade, ce sens, cette unité de l'œuvre dont par elle, le mouvement du regard est assuré de ne s'arrêter jamais, c'est ce tourniquet des yeux qui produit la permanence de l'unité invisible. Donc le spectateur se doit d'être là, tout comme le peintre qui, ni Vestal ni Ariel, mais un homme parmi les hommes, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. C'est ainsi qu'on n'arrive au peintre sans privilège, La Poujade, qui peint la panique des foules devant les charges de flics au 27 octobre, place de la République, telle qu'il l'a vécue et ressentie. Les anciens maîtres, eux, voyaient ça à l'abri, à la droite du prince, sur une tribune. Alors qu'avec La Poujade, il faut être en bas, parmi les hommes, et se salir les mains, tel Paul Rébérol, qui pour rendre... Oui, alors, je suis désolée, j'ai pas la foule de La Poujade, j'ai pas réussi à la trouver, là c'est torture. Il faut donc faire comme Paul Rébérol, qui pour rendre la liberté des hommes qu'il a vu incarner, vivante et vibrante, dans le maquis limousin, plein de gibier et de partisans, réalise véritablement, de manière concrète et tangible, l'engagement de l'homme dans le monde. La matière sur sa palette, dans son atelier, il faut la prendre à pleine main et la disposer comme la matière du monde. Contrairement à la figuration, donc, l'abstraction permet aux peintres de faire ressentir ses sentiments dans leur matérialité élémentaire. Ils descendent de lui dans la toile par l'acte de peindre. Les représenter leur ferait perdre toute leur force. La figure les adoucirait. Finalement, les peintres ont réussi ce que Sartre souhaitait que les écrivains réalisent en 1947. Dans Qu'est-ce que la littérature ? Il n'est plus temps de décrire ni de narrer, nous ne pouvons pas non plus nous borner à expliquer. La description fut-elle psychologique et pure jouissance contemplative. L'explication est acceptation, elle excuse tout. L'une et l'autre supposent que les jeux sont faits. Mais si la perception même est action, si pour nous, montrer le monde, c'est toujours le dévoiler dans les perspectives d'un changement possible, alors dans cette époque de fatalisme, nous avons à révéler au lecteur, en chaque cas concret, sa puissance de faire et de défaire, bref, d'agir. Masson, La Poujade, Rébérol se posent des questions gênantes, comme le souhaitait Guérassy. Leurs toiles ne séduisent pas. Elles irritent, inquiètent. Dans les dessins et les gouaches de Wolfs, qu'il étudie dans Doigts et non-doigts, il y a une perpétuelle révélation de l'être. Il nous peint comme des autres pour nous faire voir du dehors et du dedans, pour nous rendre visible l'insoutenable horreur de notre condition humaine et cosmique. Dedans, dehors, là-bas, ici, que des incertitudes, rien de certain. Le spectateur se fascine sur cette inquiétante étrangeté, où comme dans l'étoile de La Poujade, le sens éclaté est partout et nulle part. Il affleure toujours, mais reste insaisissable. L'urgence est donc bien présente, impossible à résorber, et le spectateur ne peut pas fuir. Les dessins de Wolfs, alors je ne sais pas si c'est flagrant, mais ils nous révèlent notre damnation. Notre ciel est vide, nous sommes contingents et nous sommes condamnés à être libres. Révélateur ontologique, la peinture pour Sartre est avant tout révélatrice de sa philosophie détaillée dans L'être et le néant. Difficile en effet de ne pas lire dans les pages sur Giacometti, dans la recherche sur l'absolu ou les peintures de Giacometti, une réécriture du problème du néant, où le problème de l'artiste et celui du philosophe sont donc rigoureusement les mêmes. Giacometti introduit en art ce que Sartre introduit en philosophie, à savoir que l'être est la condition pour que le néant existe. Je cite donc L'être et le néant. « Le néant ne peut se néantiser que sur fond d'être. Si du néant peut être donné, c'est ni avant ni après l'être, ni d'une manière générale en dehors de l'être, mais c'est au sein même de l'être, en son cœur, comme un ver. » Ainsi, les portraits de Giacometti montrent que le vide se glisse partout, entre les yeux, entre les paupières, entre les lèvres, dans les trous de nez. Une tête devient à son tour un archipel. De la même façon, dans le chapitre sur le regard, Sartre ne dit pas autre chose que ce qu'il écrit dans La recherche de l'absolu. Percevoir une poupée ou un homme, ce n'est pas la même chose. Lorsque je saisis un objet comme une chaise, je la saisis à 2,20 m de la pelouse, comme exerçant une certaine pression sur le sol, etc. Son rapport avec les autres objets est du type purement additif. C'est que la perception de la chaise, à une certaine distance, ne modifie en rien mon rapport au monde. En revanche, si un homme vient à se placer près de cette chaise, ma perception de mon environnement change radicalement. Désormais, la distance se déplie à partir de l'homme que je vois. Et tout s'organise à partir de cette transcendance nouvelle et non plus à partir de moi. D'où la volonté qu'a Giacometti de sculpter l'homme dans un espace interhumain. Ses statues, écrit Sartre dans La recherche de l'absolu, nous livrent cette vérité que l'homme n'est pas d'abord pour être vu après, par après, pardon, mais qu'il est l'être dont l'essence est d'exister pour autrui. C'est qu'en fait, l'autre et moi sommes co-responsables de l'existence d'autrui. Lorsque je regarde autrui, je le fais exister en tant qu'objet et je me fais exister en tant que sujet. Inversement, quand c'est l'autre qui me regarde, je deviens objet et lui sujet. Les échos sont donc nombreux entre les écrits philosophiques de Sartre et ses écrits sur l'art. Mais cette connivence intellectuelle est sûrement le signe d'une connivence plus intime. En effet, les œuvres de Giacometti rappellent à Sartre sa stupeur et sa peur Quand libre, il quitta le Stalag 12D et sa proximité absolue pour se retrouver à Paris dans cette société bourgeoise où la vie se passe à distance respectueuse. Finalement, peut-être est-ce moins sa philosophie que ses souvenirs, sa propre existence, son être, que Sartre voit se révéler dans les œuvres de Giacometti, mais aussi de La Poujade, Masson ou Volz. Ou encore, dans celle d'un peintre qui n'est pas son contemporain, mais sur lequel il entreprend d'écrire une biographie, Le Temporet. Hypothèse d'autant plus plausible qu'ont été retrouvés dans L'être et le néant même des éclats autobiographiques. Encore cagneux au lycée Louis-le-Grand, Sartre classe dans son carnet midi des pensées discontinues par ordre alphabétique. À la lettre M, il consigne sa réflexion sur le moi, dont on a parlé tout à l'heure. J'ai cherché mon moi, je l'ai vu se manifester dans ses rapports avec mes amis, avec la nature, avec les femmes que j'ai aimées. J'ai trouvé en moi une âme collective, une âme du groupe, une âme de la terre, une âme des livres. Mais mon moi proprement dit, hors des hommes et des choses, mon vrai moi inconditionné, je ne l'ai pas trouvé. Ainsi, Sartre souffre d'une hypotrophie du moi. Il est privé de moi pur, et écrire sur l'autre va être pour lui une manière d'écrire sur soi. Et d'ailleurs, à l'apparition de l'idiot de la famille, dont on a parlé aussi tout à l'heure, Jean Bruno rappelle dans Lecture de Sartre que la critique flaubertienne s'en aperçoit, écrit au scandale, comme Claude Burgelin, qui écrit « Utilisant Flaubert comme un intermédiaire, Sartre nous renvoie à Sartre, et que peut-on savoir d'un homme aujourd'hui renvoie à que puis-je dire de moi ?» Ainsi, serait-il possible de dire la même chose de la critique d'art sartrienne ? Pourrait-on y voir une tentative autobiographique, ou tout du moins y percevoir un affleurement de matériaux autobiographiques ? Il y a une étrange coïncidence qui attire notre attention. Tout comme ces textes sur l'art, la série de textes autobiographiques, déclare Benoît Denis, forme un ensemble éclaté, hétéroclite et marqué par l'inachèvement. Éclaté, on l'a vu, la critique de l'art de Sartre l'est. Hétéroclite, elle l'est aussi. C'est un mélange de préfaces, de catalogues d'expositions, d'articles de journaux. Inachevé, également. Sartre souhaitait écrire une esthétique, il ne l'a pas fait. Il voulait rédiger une biographie du Tintoret, il n'a pas mis de point final. Ainsi, il faudrait peut-être relire la critique d'art de Sartre à la lumière de son vécu et des fragments autobiographiques qui jalonnent son œuvre. La recherche de l'absolu, les peintures de Giacometti, le peintre sans privilège, doigt et non-doigt, coexistence, le séquestré de Venise ou Saint-Georges et le dragon, et autres esquisses sur le Tintoret seraient autant de reflets inexplorés participant à ce jeu de miroir qu'est le sujet Sartre. Donc on l'a vu, la fragmentation est constitutive des écrits sur l'art, dans la forme comme dans le fond. Dans la forme, j'ai expliqué, dans le fond aussi. Les artistes auxquels ils s'intéressent ne sont guère plus fédérés. Indépendants, n'appartenant à aucune école ni aucun mouvement, ce sont des hommes de rupture. Giacometti détruit ses œuvres, par exemple. Il les laisse vivre que quelques heures. Hélène de Beauvoir, elle, se ferait son propre chemin entre les vaines contraintes de l'imitation et l'aridité de l'abstraction pure. Masson fait éclater le contour, La Poujade redéfinit le rôle du peintre, Rebérol réconcilie l'art et l'engagement, et Tintoret, lui, je passe un peu plus vite, dans une ville et un siècle où l'Église est toute puissante, il introduit la pesanteur au sein même des sujets religieux. Donc tous renient ce qui les a précédés. Ils se font seuls à travers leur pratique de l'art. C'est le mythe ou le fantasme que Sartre livre dans les mots, l'homme qui renaît sans cesse, la naissance perpétuelle et sans géniteur. Sans prédécesseur, sans école, ce sont des sans-famille, comme Poulou, cet enfant du miracle. Sans père, sans autorité pour peser sur eux, ils sont perpétuellement la source d'eux-mêmes et ressemblent fortement au mythe sartrien de l'homme seul. L'homme seul qui est dépourvu de toute attache et qui a le privilège de saisir ce que le reste de la société ne peut percevoir, la réalité nue. C'est donc une menace pour les puissants, et c'est pourquoi on préfère Gauguin quand il décore. L'art libéré des puissants est donc un dévoilement, c'est plus qu'un dévoilement, c'est un coup de projecteur qui éblouit. Si l'art est inquiétude, l'artiste est un suspect, mot que Sartre utilise plusieurs fois. Seul contre tous, il joue de son pinceau comme d'une épée. « Pardaillant m'habite encore », lance Sartre à la fin des mots. C'est sûr, il habite encore l'écrivain d'art, en tout cas. L'héroïsation des peintres en est le signe. Notamment dans les fragments de sa biographie existentielle consacrée au Tintoret, où la possibilité d'appropriation et le travail de mythification seraient plus grands que dans les préfaces consacrées à ses amis artistes contemporains, puisque éloigné dans le temps, ce peintre du XVIe siècle dont on ne sait presque rien laisserait à Sartre une totale liberté d'invention. Donc sur le Tintoret, tout part d'une excommunication en règle d'un jeune apprenti de 12 ans par le Titien. Un géant aurait pris peur d'un enfant. C'est une rumeur. une rumeur fausse, mais comme toute rumeur, elle cache une vérité. Dans le séquestré de Venise, Sartre va faire de la brebis galeuse un véritable pardaillant. En 1548, c'est l'année pivot, Jacopo Robusti peint Saint-Marc sauvant l'esclave. C'est un échec cuisant, une rupture. Avant, nous ne savons rien de lui, sinon qu'il travaillait à tombeau ouvert, et ce n'est pas sans acharnement qu'on se fait un nom à 20 ans. Après, l'acharnement se tourne en rage. Il veut produire, produire sans cesse, vendre, écraser ses rivaux par le nombre et les dimensions de ses toiles. La peinture devient donc l'arme du solitaire. Il est difficile de ne pas être interpellé par cette description d'un Tintoret bourreau de travail, producteur infatigable, qui nous rappelle Sartre, qui était l'attraction de ses camarades à l'ENS. Je cite Simone de Beauvoir. Pierre Gille racontait volontiers qu'à l'école, les visiteuses avaient le choix entre deux spectacles qu'elles pouvaient contempler en montant sur les toits, obtenant ainsi une vue plongeante dans les fenêtres, sur les fenêtres des turnes. Celui de l'un de leurs condisciples, Don Juanesque, faisant l'amour presque en permanence, et celui de Sartre, écrivant avec autant de constance et de frénésie. Le second, affirmait Gill, ébahissait davantage. Donc besogneux, rusé, Sartre compare le Tintoret au vaillant petit tailleur des frères Grimm, ou au tailleur escroc des habits neufs de l'empereur. Deux contes qui serviront d'intertexte aux mots. Le Tintoret n'est pas de la même espèce que le Titien, Raphaël ou Michel-Ange, ce marquis de Carabas, nouveau clin d'œil aux lectures de Poulou, qui vivent dans la dépendance et dans la superbe, qui sont en survol, grâce aux puissants. Ainsi, dans les toiles du Titien ou du Gréco, tout flotte. Les personnages y sont des anges qui ne se salissent pas les pieds. Chez le Tintoret, au contraire, les corps se ploient, se courbent, à un tel point qu'ils sont sur le point de tomber, mais ne tombent jamais. Donc l'inquiétude demeure, on est dans le déséquilibre, et le déséquilibre équilibré, si on peut dire, qui les hommes pliés en deux dans ces toiles montrent que Jacopo sent le poids du monde. Il va plus loin encore avec Saint-Marc, j'y reviens. C'est l'égalité généralisée, il n'y a plus de hiérarchie. Le saint se déplace en personne, ça relève du miracle pour un esclave. Et personne n'y prête attention, vous voyez sur la toile. Le miracle est ramené au niveau de l'humain, il devient un interventionnisme sacré, c'est-à-dire la chute vertigineuse d'un aérolithe et les remous qui s'ordonnent autour d'elle. Le Tintoret donne à voir des corps lourds, massifs, véritable champion d'haltérophilie qui figure la violence et la difficulté de la transcendance, de l'arrachement au visqueux, de Venise, que Sartre décrit dans un roman, lui aussi inachevé, La reine Albemarle ou Le dernier touriste. En effet, à Venise, le grand canal, c'est l'immobilité, l'immanence, le visqueux, qui tout le temps menace. Venise est la terrifiante revanche de l'ensoi, ville narcissiste. Venise est contre toute réflexion, elle ne peut se juger, elle ne veut se juger, se demander qui elle est, pourquoi elle est là. C'est un dédale de précautions qu'elle prenait contre elle-même, immobilisant tout. On se sent un maudit qui ne peut se connaître ni jouir de la délivrance par la réflexion. Et le maudit, celui qui a osé faire réfléchir cette ville miroir qui se perd dans ses reflets, c'est son propre fils, le Tintoret. Puisque le Tintoret, c'est Venise. C'est le double de Sartre auquel il échappe à l'engluement du visqueux qui le prend au piège de la reine Albemarle. Alors pour conclure, je reviens à Entretien avec Sartre qui a été récemment publié de John Guerassi. Sartre lui confie qu'il a toujours préféré la compagnie des femmes. En avril 71, il s'explique sur cette préférence. Les hommes veulent toujours discuter d'idées, vous dire comment ils interprètent telle chose. Les femmes vous disent ce qu'elles ressentent, ce qu'elles ont ressenti. Réfléchissez à vos idées à votre bureau et fichez-moi la paix. Parlez-moi de vos expériences, de ce que vous avez ressenti en les vivant et j'apprendrai quelque chose de nouveau à chaque fois. C'est très rare chez un homme. La plupart sont dans un ennui royal. Comme Malraux, il va vous expliquer pourquoi deux couleurs mises côte à côte fonctionnent bien, mais jamais ce qu'il ressent quand il regarde ces deux couleurs. Alors, si on reprend la définition de la critique d'art chez Daniel Berger, par exemple, dans Littérature et peinture, pour lui, le propre du critique d'art est sans doute de maintenir l'extériorité de l'œuvre et d'en proposer une analyse et une évaluation. Ainsi, la quadruple fonction de la critique est d'être informative, classificatrice, analytique et évaluative. Or, chez Sartre, cette objectivité constitutive du genre est mise à mal. Selon moi, les écrits sur l'art de Sartre ne sont pas de l'ordre du commentaire et de l'évaluation, mais du ressenti et du vécu. Il y a une expérience intime de l'art qui s'exprime dans ces textes. Donc, la place des écrits sur l'art de Sartre est à part dans la critique d'art comme genre, puisque c'est un geste finalement tellement intime qu'il est non répétable, non transposable. Mais leur place dans l'œuvre de Sartre n'est pas à part. Et puis elle est clairement sous-estimée. Puisque ces textes sont reliés philosophiquement, j'ai essayé de le montrer, et ontologiquement à toute son œuvre. Reste qu'elle est marquée du sceau de l'inachèvement, et c'est une preuve d'une difficulté que sa tête puis sa cécité matérialiseraient, parce qu'en effet on sait que Sartre est aveugle à la fin de sa vie. Est-ce que ce serait le signe d'un obstacle qui serait lui-même, Sartre écrivain d'art et l'écrivain de lui-même, et on l'a vu tout à l'heure, ça lui pose problème. Mais pour ne pas finir sur l'amertume d'un échec, je dirais que loin d'être la preuve d'un abandon, d'un désengagement, ses écrits sur l'art sont une revanche sur la tentation visqueuse de Venise, ville des images, à travers le Tintoret. Et s'il n'écrit pas d'esthétique ou de monographie sur le Tintoret, c'est justement pour cela, la peinture le montre, il ne faut pas s'enliser, il faut passer d'un peintre à l'autre sans s'arrêter, ne laisser que des traces, de peur de figer ce qui a tout donné pour se sortir de son immobilité. En art, finalement, il faut suivre le conseil de Louise, sa grand-mère, glisser, mortel, n'appuyez pas. Voilà. Bon, merci beaucoup pour cette intervention qui était aussi détaillée, informée, complète, que claire et pédagogique pour tout le monde, et qui donc vraiment faisait valoir sans doute des textes beaucoup plus méconnus, ouais. Et dont tu as réussi à la fois donc, à montrer la spécificité et tous les liens avec le reste de l'œuvre. Donc voilà, merci pour ça. J'aurai des questions, mais je laisse d'abord la parole à la salle. Y a-t-il des questions, Emmanuel? Toujours. On remercie pour ça d'ailleurs, mais... En fait, j'ai une question, j'ai l'impression qu'il y a une tension, alors je passe sur le fait que j'ai trouvé ça absolument passionnant et que c'est génial de parler de tout ça, parce que, pour les raisons énoncées, ouais. C'est vraiment un travail important. La conclusion, c'est que l'écriture que Sartre fait, non pas en tant qu'écrivain d'art, mais justement comme ça prend à la base les modèles standards de la critique d'art, constituerait une prédominance de l'intime, du ressenti ou du vécu, chose tout à fait importante. La phrase d'après insistait sur l'importance du lien entre ces lectures de l'art avec son élaboration philosophique. Alors, je prends en fait ta double formulation au pied de la lettre. Je pense qu'il y a, j'aimerais bien plus précise la façon dont l'intimité et le vécu ou le ressenti qui peuvent être assez facilement être classés dans la rubrique d'un rapport assez immédiat, enfin, d'un régime de l'immédiateté. Comment ça s'articule avec, au contraire, le régime d'une médiation extrêmement élaborée, extrêmement touffue, qui fait justement le lien entre ces textes spécifiques avec les élaborations philosophiques. Et je prends l'exemple de ces textes sur le Tintoret, qui sont certes inachevés. Alors, à la fin du deuxième tome de la critique de la raison dialectique, dans toutes les dernières esquisses de ce qu'il aurait voulu faire au titre de l'approfondissement de la critique de la raison dialectique, il y a notamment une histoire de Venise, sur le même mode que celui de l'histoire de l'Urse. Bon. Et de même, ces textes sur le Tintoret sont des textes qui sont extrêmement informés historiquement, sociologiquement, etc. On ne peut pas simplement évidemment dire que ça relève du régime de l'intime. Je pense que ce soit ce que tu as voulu dire, mais il y a une grande difficulté là. Oui, mais c'est vrai que dans le Tintoret, il y a vraiment une lecture marxiste et la lutte de classe. J'avouerai que je n'ai pas lu la critique de la raison dialectique, j'ai pas réussi. Et sur l'articulation de l'intime et du philosophique. Et oui, je ne saurais pas t'expliquer exactement comment il passe de l'un à l'autre. Enfin, pour moi, c'est vraiment... J'ai une colle, là. Je ne saurais pas... Il y a ces deux strates, mais pour moi, le vécu chez Sartre et l'intime sont complètement liés, de toute façon, à l'expérience philosophique. Enfin, les deux se nourrissent. Et d'où tous ces... Il y a une étude de Jean-François Louette qui est très intéressante sur les matériaux autobiographiques dans L'être et le néant. Et c'est ça que je voulais montrer, que finalement Sartre, il parle toujours, enfin, il parle toujours de lui tout le temps. Il utilise toujours son vécu pour écrire, que ce soit philosophiquement, ou, enfin, des écrits philosophiques ou purement philosophiques ou sur la peinture. Voilà, je sais. Il faudrait plus de plus d'études, quoi. Oui. Je pense qu'il y a une chose vraiment importante et qui se montre partout, c'est que tout ce qui est du régime de l'intime pour lui est aussi du régime de l'intelligible. Voilà, ouais. Ça, c'est une thèse extrêmement forte. Et c'est ce qui fait les psychanalyses existentielles, entre autres. C'est ce qui fait qu'il a pu les mener. Et qu'effectivement, l'immanence mutuelle des régimes ne pose aucun. Enfin, ça n'a jamais été un problème pour lui. Enfin, il n'y a pas d'opposition entre du régime. Non, il y a vraiment une communication, c'est des vases communicants. Ouais. Voilà. J'ai peut-être une question avec la raison. C'était peut-être parce que ça prolongeait un petit peu. C'était une interrogation. Moi, c'est des textes que je connais pas du tout. Hein, donc, je vais. Voilà, si ma question est à côté de la plaque ou quoi, c'est possible. C'était surtout quand tu parlais de Giacometti que ça me venait. Je pensais à une phrase que cite Arras, mais je ne sais plus de qui elle est au début, mais qui est de dire la peinture pense, mais elle pense en peinture. Et du coup, je me demandais, je crois que tu fais valoir que ce n'est pas un reproche qu'on pourrait faire à Sartre, de, au fond, de plaquer des thèses ou de faire des exemplifications. Il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas d'illustrer quoi, un livre de thèse philosophique. Mais parfois, est-ce que ce n'est pas... Enfin, ce n'est pas une objection que je fais réellement, mais c'est une question. Est-ce que ce n'est pas forcé quoi? Est-ce qu'il n'y a pas des passages en force qui, peut-être... comment dire, voilà, ignore le fait que la peinture pense en peinture, quoi, et que en fait, voilà, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des effets de trop facile, comme si tout était traductible immédiatement, quoi. C'est, je ne sais pas si ma question est très claire, mais et bien sûr, de mes connaissances des textes, donc. Mais enfin, si, il y a des moments où on sent qu'il tire quand même le peintre. Enfin, quand on compare, pas Genet et. Mais j'ai ses écrits sur Masson, par exemple. Moi, j'ai vraiment senti qu'il essayait de faire, comme j'ai dit, table rase du surréalisme. Masson, c'est vraiment un... Enfin, pour moi, c'est vraiment un peintre surréaliste, bon, qui s'éloigne après, mais il n'y a pas une rupture aussi franche que Giacometti dans son œuvre, par exemple. Giacometti, il y a vraiment les œuvres surréalistes, et puis après, il s'éloigne, il y a vraiment rupture, et on le sent. Mais Masson, c'est pas aussi flagrant, et je trouve que ce qui aide à faire la rupture, c'est le texte de Sartre. Alors, est-ce que c'est vrai? Enfin, où est la limite entre le ce que vraiment le Masson, l'évolution de Masson et ce que plaque, ce qu'essaye de lui faire dire Sartre pour essayer de montrer que le surréalisme sur tous les plans c'est dépassé, c'est sans horizon, comme il le dit au lendemain de la guerre. On le sent, moi je trouve, dans les textes sur Masson. Giacometti, c'est pas pareil, parce que pour moi il y a vraiment une rupture. Enfin, Giacometti l'a fait, sa rupture, il le revendique. Hein. Il dit vraiment, je crois qu'il dit, les œuvres surréalistes, ce que je faisais avec les surréalistes, c'était de la masturbation. Hein. Donc, je crois que c'est clair. Merci. Il y avait une question de Claire. J'en ai plusieurs, merci beaucoup pour l'exposé. Elles sont un peu extérieures parce que, pareil, c'est des textes que je connais pas très bien, et donc qu'il nous les présenter. D'abord, peut-être une première question qui concerne quels sont ces peintres, à part le Tintoret, c'est des peintres contemporains. Et je voulais savoir si c'était contingent ou si ça procédait peut-être d'un principe théorique, parce que chez ces philosophes français de l'après-guerre, souvent a été systématisé. Ils ont souvent dit qu'ils s'intéressaient qu'à la peinture contemporaine, parce que la peinture classique était tributaire d'un concept classique du sujet, du paradigme de la représentation. Et on voit bien comment Sartre pourrait dire quelque chose comme ça. Et que du coup, la peinture qui les intéressait, c'était la peinture contemporaine. Et je voulais savoir s'il y avait une explication de cet ordre-là chez Sartre pour s'intéresser plutôt à la peinture contemporaine qu'à la peinture classique, ou pas du tout. Parce que comme il y a pas tout le temps de vrai qu'on fait. Oui. Je pense que non, enfin moi je l'ai pas ressenti comme ça, si on est dans l'ordre du ressenti et du vécu. Pour moi c'était vraiment des rencontres, comme j'essaie de le montrer, que c'est des amitiés, vraiment. Enfin, il y avait un texte, je crois, c'était Sartre et ses peintres. Il y a vraiment une relation intime avec c'est des hommes. Giacometti, c'est un ami, il va boire avec lui. Enfin, faut voir les textes de Simone de Beauvoir là-dessus. Donc je pense pas qu'il y ait une revendication cachée. Et puis les textes sur le Tintoret le montrent. Mais c'est des hommes de rupture. Ça, enfin, c'est vraiment des peintres pour moi de la rupture. Et comme Sartre, qui a toujours. Ouais, c'est ça qui détermine. Qui... Donc dans ce cas-là, il tranche vraiment avec le reste de la philosophie française à l'époque par rapport à la peinture, qui avait un discours théorique derrière les choix des peintres. Oui, non, la choix. Celui de la critique du sujet. T'avais plusieurs questions. Ouais, non, continue. Non, c'était pour, pour l'instant, il n'y a pas de main qui se lève, donc. C'est moi. Oui, mais on a du temps encore, c'est pour ça. J'avais une deuxième question qui est un peu extérieure, hein, où tu as expliqué comment il y avait un travail d'engagement de l'homme dans le monde à travers la peinture. Et je me demandais si Sartre n'avait pas. C'est pas immédiatement évident pour nous que le concept sartrien d'engagement, qui implique la liberté et l'histoire, s'exprime. Dans l'espace de la toile, alors qu'on voit bien, il l'a bien montré, comment ça s'exprimait dans la forme cinématographique et dans la forme littéraire, où on a une trame temporelle de récit. L'abstraction. Enfin, pour moi, c'est vraiment le passage de la figuration à l'abstraction. Ah ouais, la matérialité, c'est ça. D'ailleurs, ça a été ça la rupture maçon. Enfin, maçon, j'avais pas d'image, mais dans son texte sur maçon, c'est d'abord. Il était surréaliste et il était dans la figure, dans le mythe. Enfin, c'est très dessiné. Enfin, c'est vraiment des dessins. Et Sartre s'intéresse à lui une fois qu'il passe à l'explosion de la figure et à l'explosion du contour. Je ne sais pas si. Tu avais encore une. J'autorise. Une question, c'est juste une curiosité. Je crois qu'après sa mort, je crois qu'on a fait un inventaire. De l'appartement, et je me demande est-ce qu'il y avait des œuvres. Il y avait une œuvre de Reberol qui est restée longtemps au-dessus de son canapé. Alors je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Je ne sais pas très bien laquelle c'était. Bon, on la voit, je crois, à un moment dans le film que Alexandre Astruc avait fait. Mais sinon, non. Il les a données ou vendues. Non. Non, c'est pas du tout comme l'appartement de Breton, par exemple, où les photos de son. Ah oui, qui sont assez impressionnantes. Non, il y avait, je crois, le seul tableau, c'était celui de Paul Reberol. Je crois que c'était de la série Coexistence. Hein. Et voilà. D'autres questions, oui. Je voudrais revenir à la question posée par Emmanuel. Est-ce que vous ne pensez pas que pour Sartre, cette expérience de vécu, soit de l'intelligible en tant que raisonnement intime, soit en tant que vécu de l'art, n'est pas compréhensible par les hommes en tant qu'elle ne se matérialise pas dans la réalité? Si on peut juger ça d'une façon philosophique? Et là, vous m'emmenez sur des terrains. Bon, si je peux complémenter, c'est que pour lui, on a ce qui s'intéresse pas, ce qui se passe dans ma tête, je vais parler dans les mots un peu plus simples. Ce qui se passe dans ma tête, intimement, n'est pas visible. Mm-hmm. Donc, il sera visible et compréhensible à partir du moment que j'ai fait une chose. Donc, il y a une dialectique entre ce que je pense et ce que j'ai fait. Mm-hmm. Et c'est par rapport à ce que j'ai fait que je peux comprendre la personne. Donc, c'est le visible qui monte. Je pense que c'est ça qui. Il n'y a pas un comportement d'art, malgré que nous avons des imaginaires, des choses comme ça. C'est toujours la conscience en déplacement et qui s'y fait dans la réalité. C'est ça. Philosophiquement, à mon avis. Et du coup, la question, il y avait une question. Non, je crois que c'est une explication. D'accord, c'est ce qu'a dit Emmanuel. D'accord. Je lui ai demandé si elle était d'accord avec oui. ça. Oui. Oui. Là, je vous dis, j'ai pas. C'était pas philosophique. Hein. Enfin, moi, je pars d'un travail que j'ai fait, pour tout vous dire, en master 1, master 2 de littérature avec Jean-François Louette. Je suis pas du tout philosophe et j'ai été amenée, bah, forcément, avec ces textes. Enfin, moi, je voulais travailler sur un écrivain qui était à la frontière de la philosophie, de l'art et de la littérature. Et là, c'était du pain béni, surtout que c'est pas du tout étudié. Il y a quelques petits articles, toujours de façon sporadique, mais donc, je vous l'ai dit, c'est George H. Bauer, son étude, elle date de 1965. Ça commence à dater, et là, je crois qu'il y a une thèse qui va être soutenue bientôt en philosophie, justement. Alors, peut-être que ça vous intéressera plus. Sur ces textes ? Oui, sur. Alors, je ne sais plus le nom, c'est une jeune femme, et donc sur Sartre et ses peintres. Je crois que c'est le titre de la thèse est. Et celui-ci. Ça cite quel test, parce que je suis entrée un peu en retard. Quel est le test d'origine? Les textes, vous les retrouvez dans situation 3, situation 4 et en un dernier, situation 9, je crois. Et c'est donc les textes, c'est les peintures de Giacometti, la recherche de l'absolu, les mobiles de Calder. Maçon, le peintre sans privilège, Saint-Marc et son double, Saint-Georges tuant le dragon, et voilà, je crois. Et il y en a deux, les deux que j'ai cités, Hélène de Beauvoir, qui n'a pas de titre, et Sculpture à une dimension sur David Herr, avaient été publiées dans la revue Oblique, un hors-série de 1981. Voilà, vous pouvez le trouver dans ce numéro-là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a une question d'Emmanuel. C'est des trucs après, par rapport aussi à mon premier exposé de ce matin sur le sujet littéraire, et en lien avec la question que tu posais sur la raison pour laquelle Sartre n'était pas tellement intéressé au classique, je pense qu'il y a quand même un parallèle, une homologie assez claire, de même qu'il critique les formes traditionnelles de la narrativité à partir de la nausée, je pense qu'il critique de la même façon les formes traditionnelles de la représentation picturale, et la raison pour laquelle justement il s'intéresse, entre autres, outre le fait que ce sont des amis et qu'il y a une question de contexte, aussi parce que ces œuvres, les œuvres dont il traite participent de cet ébranlement d'un paradigme qu'il juge de toute façon par ailleurs très... tout à fait inadapté, et je pense que, je ne suis pas du tout au fait de façon pointue de ces questions-là, mais je pense qu'il y a la façon dont il s'est réapproprié le réalisme subjectif des romanciers américains, je pense que là on le retrouve des choses tout à fait comparables ici. Et quant au fait que le Tintoret soit l'exception dans l'œuvre de Sartre, c'est parce que le Tintoret est lui-même une exception dans l'histoire de l'art. Justement à ce paradigme-là. C'est marrant parce qu'ils ont des œuvres françaises, ils ont chacun trouvé leur exception par rapport à la peinture. Tout à fait. Tout le monde exception. Y a-t-il d'autres questions, remarques, interventions, contradictions. Je suis preneuse. On a encore un petit peu de temps, donc s'il y a d'autres questions. Bon, sinon, c'est des discussions qu'on peut continuer autour.